السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour la deuxième fois en ce mois béni de Ramadan, le mois dans lequel fut révélé le noble Coran. Nous poursuivons donc par la grâce d'Allah Azza wa Jal la lecture de l'explication des recommandations de Luqman le sage à son fils, qui a été faite par le noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, cette explication qui a été faite lors de différentes assises dans l'explication du Coran. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous assister, de nous octroyer la réussite et de nous permettre de tirer profit de ces différentes recommandations. Le noble Cheikh, qu'Allah le préserve, a dit: Allah Azza wa Jal a dit dans le sens des versets: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Sourate Luqman, verset 15. Il dit: si tes deux parents te forcent à désobéir à Allah Azza wa Jal, que cela soit un grand péché ou un petit péché, et à la tête des péchés, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah, alors dans ce cas ne leur obéis pas en cela, car ils n'ont aucun droit de t'ordonner la désobéissance à Allah, que cette désobéissance soit le shirk ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet dans le hadith de Ali radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, nulle obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah. Cependant, s'il t'aide à obéir à Allah, t'oriente vers l'obéissance, t'éduque d'une bonne éducation, alors ceci sera un bien pour eux. Mais s'il dévie du droit chemin, te combat et s'efforce à te faire rentrer dans le shirk, le polythéisme, à donner des associés à Allah, alors ne leur obéis pas dans cela. Cependant, la bonté envers eux ne cesse pas. Même s'ils te combattent et te font du tort, pour que tu mécrois en Allah, il t'incombe de ne pas oublier leurs droits. Quant à sa parole, subhanahu wa ta'ala, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, c'est-à-dire que tu dois faire preuve de bonté et de bienfaisance à leur égard, dépenser pour eux, même s'ils sont mécréants. Tu leur obéis dans ceux qui ne constituent pas une désobéissance à Allah. Sois à leur service, exécute leurs besoins et leurs demandes, et ceci fait partie du convenable. Tu dois t'exécuter et obéir à toutes leurs demandes qui ne constituent pas une désobéissance à Allah ou Azza wa Jal. Le droit des parents ne tombe jamais, même si ces derniers tombent dans l'innovation, dans le shirk, car il t'est obligatoire d'agir avec eux de façon convenable dans ce bas monde. Ensuite, il t'incombe de suivre le chemin de ceux qui reviennent à Allah. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. C'est-à-dire, reviens vers Allah, obéis-lui, ordonne ou adore-le en suivant le chemin de ceux qui reviennent vers Allah, parmi les prophètes et leurs suiveurs, parmi les savants sincères qui sont de bons conseillers et parmi les serviteurs d'Allah pieux. Préserve le droit d'Allah et le droit des créatures, car ceci est le chemin de ceux qui reviennent à Allah et se repentent. Ses serviteurs préservent les droits d'Allah Azza wa Jal et le droit des créatures dans l'ordonnance du bien, dans la réprobation du blâmable, dans l'appel à Allah Azza wa Jal, l'appel au tawhid, l'appel au bon comportement et tout ce qui a été rapporté de la législation islamique comme bien, et tout ce que la législation a interdit comme mal. Et parmi ce mal, il y a l'association à Allah, le shirk, le fait de s'opposer au messager. Voilà comment est celui qui revient et se repent à Allah Azza wa Jal. S'il commet un péché, il se repent d'un repentir sincère et suit la meilleure parole, qui est ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, qui englobe le tawhid, l'adoration d'Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, la mise en garde contre le polythéisme, le fait de se soumettre à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et interdit. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit: vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Le retour de tous les gens se fera vers Allah Azza wa Jal. Il leur énumérera et les informera de leurs actes. Et parmi ces actes, est-ce que l'enfant a accompli et fait preuve de bonté envers ses parents? Concernant les parents, est-ce que les parents étaient sur la droiture? Et assurément, Allah Azza wa Jal les jugera s'ils ordonnaient à l'enfant de commettre du shirk, du polythéisme, l'innovation ou la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Le retour est donc vers Allah, où il informera ses serviteurs de ce qu'il faisait. Il interrogera toutes les créatures, les djinns et les hommes. Ils seront tous interrogés, comme Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-A'raf, versets 6 et 7. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. À ce moment, Allah Azza wa Jal établira les balances. Les œuvres des serviteurs seront alors pesées. Si les œuvres sont bonnes, alors ceci est un bien pour le serviteur. Et si les œuvres sont mauvaises, alors ceci est un mal pour le serviteur. Allah Azza wa Jal fera venir les plus petites mesures parmi les œuvres pieuses ou mauvaises. Elles seront pesées minutieusement dans ses balances. Allah Azza wa Jal a dit: « Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » C'est-à-dire, je vous informerai de vos œuvres, de vos croyances. Les croyances authentiques dans la balance des bonnes actions et les mauvaises croyances dans la balance des mauvaises actions. Les bonnes actions dans la balance des bonnes actions et les mauvaises dans la balance des mauvaises actions. Allah donnera alors à chacun son livre, soit par la droite ou la gauche, comme il l'a mentionné dans Sourate Al-Haqqa, il dit dans le sens des versets: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Ensuite, Allah Azza wa Jal a complété la recommandation de Luqman et son exhortation à son fils. Il dit, subhanahu wa ta'ala: ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. À travers cela, Luqman le sage enseigne à son fils l'unicité d'Allah. Il lui apprend et lui expose la science parfaite d'Allah Azza wa Jal, sa grandeur et sa puissance. Sa science qui englobe toutes choses dans les cieux et la terre. Rien ne peut lui échapper, ne serait-ce le poids de la plus petite mesure. Il n'y a pas plus petit qu'un atome ou plus grand, sans que cela ne soit enregistré dans un livre explicite. Et cette croyance que Luqman le sage enseigne à son fils est celle que tous les prophètes ont enseignée aux gens. Et Luqman le sage l'a apprise de ses prophètes. Il fut également mentionné que Luqman le sage était un contemporain de Daoud alayhi salam. Tous les prophètes, Salih, Ibrahim, Moussa, les prophètes après Moussa jusqu'à Daoud alayhi salam, cette croyance était présente chez eux. Et ils ont appelé et ordonné l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ils ont également décrit Allah Azza wa Jal par les attributs de perfection. Et parmi ces attributs, sa puissance, parmi ces attributs, la puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah est capable de tout, et rien ne peut réduire dans les cieux et la terre sa puissance. Certes, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Allah Azza wa Jal cerne toute chose de sa science, alors que les serviteurs ne cernent de sa science que ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal connaît toute chose, et rien ne peut lui être caché dans les cieux ou sur la terre. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet dans Sourate Al-An'am, verset 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans les cieux, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah Azza wa Jal a connaissance de toutes choses. Il l'a enregistré dans la table gardée. Il a également enregistré les œuvres des serviteurs dans les registres que les anges écrivent. Et par Allah, Allah n'enregistre pas les œuvres des serviteurs dans les registres parce qu'il oublie. Gloire et pureté à Allah Azza wa Jal, il est bien au-dessus de cela. Allah connaît les œuvres des serviteurs bien avant qu'il ou Allah Azza wa Jal a connaissance des œuvres bien avant qu'elles ne soient écrites. Rien ne lui échappe dans les cieux et sur la terre. Ces montagnes, ce sable, ces gouttes, ces mers et océans, ces vagues, les animaux qu'il y a dans les océans, les créatures qu'il y a dans ces océans, Allah a connaissance de tout cela, dans la globalité et dans le moindre détail, petit ou grand. Allah cerne vraiment toutes choses de sa science. Cette croyance, Luqman le sage l'enseigne et l'inculque à son fils. Il dit, à travers la parole d'Allah Azza wa Jal, « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher. Un rocher dur que personne ne peut pénétrer. Allah, lui, a connaissance de ce qui s'y trouve et il est capable d'extraire ce grain de ce rocher. À l'image de cela, Allah ramène la plus petite mesure d'œuvre que l'homme a accomplie. Il le jugera pour cette petite mesure si cela est du mal. Et si c'est du bien, alors cela ne sera pas perdu auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme il dit à cet effet, subhanahu wa ta'ala, certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Sourate An-Nisa, verset 40. Ceci est une croyance immense vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qu'il convient à chaque musulman d'avoir constamment à l'esprit, à chaque instant de sa vie. Le musulman garde à l'esprit qu'Allah l'observe, le surveille, qu'Allah le connaît parfaitement et est capable de toute chose. Ceci est une croyance et un dogme immense. Chaque musulman doit garder cela à l'esprit à chaque instant. Voilà pourquoi Luqman le sage, en premier lieu, a appelé son fils à délaisser le polythéisme et l'a mis en garde contre ce péché. Et à travers cela, il lui ordonne le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui consiste à vouer l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. lui a également exposé la dangerosité du shirk, du polythéisme, lorsqu'il lui dit « Certes, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. » Ensuite, il lui a exposé et éclairci la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ceci afin que les sots, les faibles d'esprit, ne donnent pas à Allah Azza wa Jal des égaux. À travers cela, il a mentionné quelques attributs de perfection, car à Allah appartient les plus beaux noms, et Allah seul les cerne de sa science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith de Aisha radiallahu anha, hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne peux te louer comme il se doit et comme tu le mérites. Tu es certes comme tu t'es loué toi-même. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé qu'Allah possède des noms qu'il enseigne à qui il veut parmi ses serviteurs ou bien qu'il garde secret. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahumallahu ta'ala, il dit dans le sens du hadith « Je t'invoque par tous les noms que tu possèdes, par lesquels tu t'es nommé ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu t'es réservé à toi-même dans la science de l'invisible auprès de toi. » Ces deux caractéristiques, font partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, la puissance sur toute chose, c'est-à-dire qu'il est capable de tout, et le fait qu'il cerne toute chose de sa science. Il convient donc aux musulmans de ne pas être insouciants quant à ces deux caractéristiques, en se rappelant également le reste de ces noms et attributs de perfection. Car, chaque fois qu'il se rappelle la perfection d'Allah Azza wa Jal, à travers ses noms et attributs, sa pudeur envers Allah augmente, son effroi, son désir et sa crainte d'Allah Azza wa Jal augmentent. Allah Azza wa Jal a dit, dans Sourate Al-Kahf, verset 28, « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Nous implorons Allah Azza wa Jal de nous protéger et de nous préserver de l'insouciance, de l'oubli, de l'insouciance du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah ne se fait pas seulement avec la langue, mais aussi avec le cœur et les membres. Et attention à ne pas être dans l'insouciance quant au fait de se rappeler sa grandeur, sa majesté, sa puissance, sa science, sa justice, sa bienfaisance et sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Après cet avertissement de Luqman le sage à son fils, ainsi que cette exhortation et ce rappel, qu'Allah Azza wa Jal cerne toute chose de sa science, le sens de cela est que tu prennes garde à ne pas désobéir à Allah, car Allah est témoin de toutes choses, et il enregistre toutes choses. Et s'il ne te pardonne pas ce que tu fais comme mal, alors tu es certes voué à la perte. Et si ce mal est du polythéisme, du shirk, alors la perdition est sûre et sans aucun doute pour celui qui meurt dans cet état. Fin de l'explication du noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Qu'Allah le préserve et allonge sa vie et le rétribue en bien pour ses travaux. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette explication et de ces versets? Premièrement, parmi les leçons que nous tirons de ce verset numéro 15, c'est qu'il n'y a pas d'obéissance aux parents ou à toute créature dans la désobéissance à Allah. Que cette désobéissance soit de la mécréance, du shirk, de l'innovation ou un péché. Et ceci est tiré de la parole d'Allah. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Il est donc interdit d'obéir aux parents ou à autres lorsque ce dernier ou ces derniers nous ordonnent une désobéissance à Allah. À l'inverse, il est obligatoire d'obéir aux parents dans le convenable, dans ceux qui ne constituent pas une désobéissance. Deuxièmement, parmi les leçons que nous tirons de ce verset, l'obligation d'être bienfaisant envers les parents, et de respecter leurs droits, même si ces derniers sont des mécréants, des polythéistes, des innovateurs ou pervers. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal, mais reste avec eux de façon convenable ici-bas. Parmi les leçons que nous tirons de ce verset, l'importance de la bonne compagnie. L'importance de la compagnie de ceux qui reviennent et se repentent constamment à Allah Azza wa Jal. Et ceci est tiré de la parole d'Allah et suit le sentier de ceux qui se tournent vers Allah. Nous voyons également à travers cela l'importance de bien choisir ses amis. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. Dans le sens rapproché du verset, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate la caverne, verset 28. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Hurayra: Al mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu est sur la même religion que son ami. Regardez donc qui vous prenez pour ami. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce verset, c'est que le retour se fera assurément vers Allah Azza wa Jal. Et ceci va aider le serviteur à agir en fonction de cela. Il va délaisser le mal et accomplir le bien. Car tout acte qu'il accomplit, il devra en rendre compte. Et ceci est tiré de la parole d'Allah: vers moi est le retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Il y a en cela la croyance en la résurrection et au jugement. Il fut également rapporté de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, qui a dit à un homme: « Si tu sais que tu es le serviteur d'Allah et que ton retour se fera vers Allah, sache alors que tu seras questionné. Et si tu sais que tu seras questionné, alors prépare une bonne réponse à la question. » Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, c'est qu'Allah Azza wa Jal possède les plus beaux noms et les attributs parfaits. Parmi ces attributs, il y a sa puissance ou la puissance et la science parfaite. Allah est capable de tout et rien ne peut réduire sa puissance dans les cieux et sur la terre. De même, Allah Azza wa Jal cerne toutes choses de sa science. Et rien ne peut lui échapper. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal: Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Nous pouvons tirer également de ces versets que le musulman doit garder constamment à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal le surveille et l'observe. Et ceci ajoute au serviteur de la crainte, de l'espoir, de la pudeur envers son Seigneur, de la considération envers son Seigneur, de la révérence envers son Seigneur. Car effectivement, plus le serviteur connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms et attributs, plus il le craint et l'aime d'un amour sans limite. Il convient également d'éduquer les enfants à avoir constamment à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal les surveille et est témoin de leurs faits et gestes. Et ceci, bi'idhnillahi ta'ala, aura un impact très favorable dans l'éducation de l'enfant. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, il y a la croyance aux balances et qu'Allah Azza wa Jal établira les balances. Et les œuvres, aussi infimes qu'elles soient, en bien ou en mal, seront comptabilisées et seront pesées dans la balance. D'ailleurs, la croyance des gens de la Sunna et que les œuvres, les individus et les registres seront pesés. Nous voyons à travers cela qu'Allah Azza wa Jal est prompt à faire les comptes. Le grain de moutarde, d'injustice ou de bien, Allah Azza wa Jal l'enregistre. Et ceci est tiré de sa parole, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Et pour finir, parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, il y a la croyance dans les noms et attributs, la croyance que le musulman doit avoir concernant les noms et attributs. Et parmi ces noms et attributs, il y a Al-Latif et Al-Khabir, traduit par l'infiniment doux et le parfaitement connaisseur, dans le verset. L'infiniment doux, c'est-à-dire celui qui pourvoit et octroie à ses serviteurs leur subsistance de par sa douceur, à tel point que ses serviteurs ne se rendent pas compte de cela. Quant au parfaitement connaisseur, c'est celui qui a connaissance des choses cachées, subtiles et des choses apparentes. Également, le musulman doit savoir qu'il est obligatoire de croire aux noms et attributs d'Allah qui ont été rapportés dans le Coran et à travers la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, sans changer le sens, sans nier le sens, sans faire de ressemblance et sans demander le comment. Et ceci à la base du verset 11 de sourate Ash-Shura, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. L'imam Ahmad a dit à cet effet, « Nous décrivons Allah comme il s'est décrit lui-même, et comme l'a décrit son messager, nous ne transgressons pas le Coran et le Hadith. » Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de ces versets et de son explication. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. Bi-idhnillahi ta'ala. Fanas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yaj'alana milalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa an yanfa'ana bima sami'na. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته